Un pourquoi piétines-tu mon cœur autant que ça? Pourquoi? Pourquoi piétines-tu mon cœur autant que ça? Pourquoi? La nuit comme le jour, je pense à toi. Pourquoi? Oh, pourquoi piétines-tu mon cœur autant que ça? Pourquoi? Oh, comme le jour, je pense à toi. Pourquoi? Mais tu en goûtais, je ne sais pas. Mais pourquoi? Pourquoi piétines-tu mon cœur autant que ça? Autant que ça.